te crois te gagne contre des si. En vérité, zot premier pour courir. Quand ou te flamme, on avait un bon pis ami. Quand il flamme, pis n'a pis rien aussi. Zot y attend le faux pas. Zot y veut voir ou dans l'embarras. Hypocrite l'a pas écrit sur le front. Donc faut mieux pas d'aller. C'est les vrais, c'est les faux, les salis. Pour son valet, bon Dieu, va bien y aller. C'est les vrais, c'est les faux, les salis. S'il il a fait le mal, ça va retomber si lui. Si jamais on l'envie de causer, on peut connaître tout ça, mais même dans les mauvais moments, il sera toujours là pour. Dans la vie, n'a péripétie. Ne connaît pas pour ça les faits demain, mais m'y veut pas que tu oublies. On pourra toujours compter si moi. On pourra toujours compter si moi. Quand nous les ensemble, m'y donne sans attendre de retour. Car quand m'y donne si avec l'amour, pas tous les jours nous la pour fréquenter. La pointe la maillage, la pointe pour vexer. Nous les capables écoute, nous te font parler. Faut nous garder, on garde puis autour. C'est les vrais, c'est les faux, les salis. Nina un bon Dieu là-haut qui va payer des silis. C'est les vrais, c'est les faux, les salis. Ça va retomber si lui. Si jamais on l'envie de causer, on peut connaître tout ça, mille. Même dans les mauvais moments, il sera toujours là pour. Dans la vie, n'a péripétie. Ne connaît pas pour ça les faits demain, mais m'y veut pas que tu oublies. On pourra toujours compter si moi. On pourra toujours compter si moi. Oh oh, il sera toujours là pour. Si jamais ou l'envie de causer, ou peut connaître tout ça, mille. Même dans les mauvais moments, mi sera toujours là pour. Dans la vie, n'a péripétie. Ne connaît pas que ça les fait demain, mais mi veut pas que tu oublies. Ou pourra toujours compter si moins, ou pourra toujours compter si moins.